إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui, c'est le cours 16 dans l'explication des fondements de la da'wa salafia. Et donc, on est arrivé toujours dans le chapitre numéro 4, et c'est au sujet de la position, donc l'attitude des musulmans qui suivent la voie des salafs par rapport aux savants de l'islam, par rapport aux savants de l'islam et le respect qu'on doit aux savants de l'islam. Et on a expliqué que la semaine passée il y avait des shubuhat de la part des gens de bid'a et des hizbiyin. Ils essaient d'éloigner les gens des savants de l'islam, ils essaient d'éloigner les musulmans des savants de l'islam pour que les gens se détournent d'eux et se tournent vers ceux qui appellent à d'autres choses, parmi les idées et les bid'a et les idées politiques et les autres choses. Et ils ne veulent pas que les gens écoutent les ulama de l'islam. Donc parmi les shubuhat, on a expliqué qu'ils disent que les savants ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité du monde aujourd'hui. Ils disent que les savants ils comprennent rien, ils comprennent seulement qu'est-ce qui est dans les livres. Et c'est des gens qui sont seulement dans les mosquées, dans la science de l'islam, dans les livres. Mais de qu'est-ce qui se passe dans la politique, dans la société, dans les autres affaires qui ont rapport avec la vie de tous les jours, ça ils comprennent pas. Et donc il faut pas se référer à eux dans ces choses-là. Il faut se référer à qui ? Il faut se référer aux hizbiyin, aux gens qui se basent sur qui parlent de politique et qui parlent de ces affaires-là, sans se référer à la science des ulama. Et donc ça c'est la première shubha, puis on a répondu à ce sujet-là que pour comprendre la réalité de qu'est-ce qui se passe, il faut avoir une connaissance de la charia pour être capable de faire des verdicts et pour établir des jugements selon la charia. Même si tu connais la réalité de ce qui se passe dans le monde, si tu connais pas la charia, tu vas pas être capable de résoudre les problèmes selon les explications et les enseignements du Coran et de la Sunna. Donc c'est bien de connaître la réalité, mais en même temps le plus important c'est de comprendre et de connaître le Coran et la Sunna et la compréhension, comment appliquer qu'est-ce qui est dedans. La deuxième shubha, c'est comme le Cheikh il dit, shubha tussaniya, adamu ihtimamihim bi umur al muslimin. Ils disent, les savants ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe avec les musulmans. C'est-à-dire ils ne s'intéressent pas aux affaires des musulmans et les choses qui préoccupent les musulmans. Et ils ont posé la question à Cheikh Al-Albani, سئل الشيخ الألباني يا شيخنا ينكر عليكم بعض الخصوم أنكم لا تهتمون بأوضاع المسلمين في العصر الحاضر. فأجاب فضيلته رأيي في هذا الكلام أنه يصدر من أحد رجلين، إما عدو حاسد أو صديق جاهل، فنحن نقوم بواجب قلما يقوم به أحد في العصر الحاضر، وهذا الواجب لا يفسح مجالا للشخص أن يقوم بواجبات أخرى مما جاء في سؤالك، مثل الكتابة في قضية فلسطين والإلحاد والشيوعية والجهاد. وكذلك فنحن نقول إن من يدعو إلى مثل ما ذكرت في سؤالك فهو لا يشتغل بالتصفية والتربية، وإنما شغلوا أنفسهم بأمور ثانوية وأعرضوا عن القيام بهذا الواجب الذي هو أوجب منها. وبعبارة أخرى إن كثيرا ممن يدعون للجهاد وقد يباشرونه في بعض البلاد ولم يجاهدوا أنفسهم بتصحيح عقائدهم وتصفية أخلاقهم فأقول ماذا يفيد المسلم إذا جاهد في سبيل الله وعقيدته خراب فما بالكم برجل مثلي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى إخلاص الاتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام وعدم الانحراف عن سنته وقد قرنت ذلك بالصبر والاجتهاد وعلى تصفية الأحاديث والسنة مما دخل فيها أفيقال في بعد ذلك أنني لا أهتم بأمور المسلمين والجهاد في سبيل الله وأنا أعتقد أن هذا الجهاد لا يقوم له قائمة إلا بالاستعداد الحقيقي. Donc, ils ont posé la question au Cheikh, au notre Cheikh, en demandant au Cheikh Al-Albani, il y a des gens parmi vos opposants qui vous blâment et qui vous critiquent. Et parmi les choses qu'ils vous réprimandent, ils disent par exemple que vous ne vous préoccupez pas de la situation et des choses qui affectent les musulmans dans le monde actuel. Et le Cheikh Al-Albani, il a répondu en disant, mon opinion au sujet de cette parole, c'est que ça ne provient que d'une des deux personnes suivantes, ou une des deux sortes de personnes suivantes. Soit que c'est un ennemi jaloux, qui critique à cause de la jalousie, ou bien une personne qui est un ami mais qui est ignorant. C'est-à-dire quelqu'un qui est sympathisant, avec le Cheikh, et qui est sympathisant peut-être avec la sunna, mais qui est ignorant. Et il dit, nous on fait qu'est-ce qui est obligatoire et que très peu de gens à notre époque actuelle a fait. Et cette obligation-là, quand tu prends cette responsabilité de l'accomplir, cette obligation, eh bien ça ne te laisse pas de temps pour aucune autre obligation parmi les choses que tu mentionnes dans ta question, comme par exemple d'écrire au sujet de la question de la Palestine ou de parler au sujet du matérialisme ou de l'athéisme, du communisme ou bien des questions qui ont rapport avec le djihad. Ça c'est des choses qui sont secondaires, comme le Cheikh il dit. Parce que, comme qu'est-ce que tu dis par exemple, la personne qui appelle à ce que tu dis dans ta question, c'est sûr qu'il va être distrait de qu'est-ce qu'on appelle at-tasfiya wa at-tarbiya. On a parlé dans les chapitres précédents de at-tasfiya wa at-tarbiya et que ça c'est la priorité pour les musulmans. Et c'est quoi at-tasfiya wa at-tarbiya? At-tasfiya, on a dit que c'est la purification. Et la purification, ça veut dire quoi? Ça veut dire purifier toutes les références et les sources islamiques de tout ce qui a été introduit dedans. Comme hadiths faux, par exemple des hadiths qui sont faibles ou fabriqués, de les distinguer de ce qui est authentique, pour les séparer. Et ça, c'est un des travaux que Cheikh Al-Albani, bien entendu, des ulamas de la Sunna ont fait ça dans le passé également, mais Cheikh Al-Albani, il a complété ce travail-là et il l'a fait d'une manière que personne d'autre avant lui avait fait. Et à un tel point même que Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali dernièrement, il disait les tahqiqat de Cheikh Al-Albani sont plus bénéfiques que les tahqiqat de Al-Hafiz ibn Hajar. Il dit, moi je dis ça. Il dit, je sais que des gens vont me critiquer de dire ça, mais il dit, je le dis parce que c'est un fait. C'est une réalité. Et donc, il dit, maintenant tu cherches n'importe quel hadith à notre époque, que ce soit dans les Sunan ou les autres, Abu Dawud, Al-Nasai, Al-Tirmidhi ou Ibn Majah, et tu trouves que le hukum, le verdict au sujet de ce hadith, il a été clarifié, et également dans d'autres livres, tu sais s'il est da'if, ou s'il est hassan, ou s'il est sahih, ou s'il est munkar, ou ainsi de suite. Ça c'est un grand travail donc que Cheikh Al-Albani il a fait, et ça demande beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'études et beaucoup d'efforts, et la plupart des ulama, ils n'ont pas la patience et yani, disons la patience d'arriver à rentrer aussi profondément dans cette science pour arriver à accomplir ce travail-là. Ça, c'est pas n'importe qui est capable de le faire. Hein? Donc, ça, c'est un grand travail que le cheikh a fait. Et donc, ça fait partie de tasfiya, de purifier les livres également et de les vérifier, de les corriger. Puis, at-tarbiya, c'est-à-dire l'éducation, d'éduquer les musulmans sur la bonne compréhension de l'islam, sur le tawhid, hein, et sur la aqidah. Et yani sur la sunna, de purifier leur pratique des formes de shirk ou des formes de bid'a qui sont répandues dans les pays musulmans. Donc ces gens-là qui parlent de ces sujets de politique ou d'autres choses de ce genre-là, ils ont pas le temps de faire qu'est-ce qu'on a mentionné comme tasfiya et comme tarbiya. Hein, ils se sont préoccupés ou distraits par d'autres choses secondaires. Et ils se sont détournés de cette obligation-là, qui est une des plus grandes obligations de l'islam. Et qu'est-ce qui est étrange actuellement, c'est que quand on regarde par exemple ces gens-là qui parlent de ces sujets comme politique et autres, eux ils considèrent que nous on se préoccupe de choses secondaires. Parce que pour eux le tawhid et la aqidah, c'est des choses secondaires. Ils disent, ah, vous parlez que du tawhid. Vous parlez que de la aqidah, vous parlez que de la sunna, et vous laissez les choses prioritaires, les plus grandes, les plus importantes, vous laissez la politique, vous laissez l'économie. Ils pensent que c'est ces choses-là qui sont les priorités. Donc, ils ont inversé les priorités, en réalité. Et c'est pour ça que, un d'entre eux, par exemple, une fois j'ai eu une discussion avec un d'entre eux, il me disait, vous avez pas, en parlant des salafis, il dit, vous avez pas fiqh al-awlawiyyat. Vous n'avez pas la compréhension des priorités dans la religion. Hein? Donc, pourquoi il dit ça? Parce qu'il a inversé les priorités. Il n'a pas compris que la base dans notre religion, c'est l'aqidah. C'est le tawhid. Hein? Et donc, à cause de ça, à cause de leur fausse compréhension de l'islam et de la religion, et juste dernièrement, juste cette semaine, je mentionnais par exemple dans un texte que j'ai écrit, par exemple, comment les gens laissent de côté les vraies idoles qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par des millions de personnes qui se disent musulmans et qui s'acharnent et qui s'attaquent aux dirigeants musulmans dans le monde musulman maintenant. Et donc, je donnais l'exemple de qu'est-ce que Al-Qardawi, dernièrement, il avait dit dans un discours. Il avait comparé certains dirigeants musulmans à des idoles de Quraysh. Il avait parlé, il disait, Al-Lat, elle est tombée, et là maintenant il faut détruire l'Uzza et Manat et les autres idoles. Et en parlant des dirigeants. Et là, qu'est-ce qui est étonnant, c'est que tu vois en Égypte par exemple, c'est là qu'il y a parmi les tombes qui sont adorées, parmi les plus grandes idoles dans le monde musulman, elles sont en Égypte actuellement. Comme la tombe de Al-Badawi, et la tombe de Zainab, et la tombe de Al-Hussein. Ils disent que c'est sa tombe, alors qu'on sait historiquement, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, il n'a pas été enterré en Égypte, il est mort à Karbala, hein, en Irak. Donc comment ils prétendent qu'il a une tombe, hein, en Égypte? Et ça, il y en a beaucoup parmi les soufis, hein. Ils ont construit des tombes à certains endroits différents dans le monde musulman pour la même personne. Tu vas aller au Maroc ou dans le nord de l'Afrique, tu trouves des tombes d'Abdul Qadir al-Jilani. Alors que tout le monde sait très bien qu'il est mort en Orient. Il n'est pas mort dans ces régions-là. Mais ils construisent pour ceux qu'ils considèrent des awliya, des qubba, un peu partout comme ça dans le monde musulman. On sait très bien qu'ils ne sont pas enterrés là-bas. Donc, Al-Hussein, ils ont dit qu'il a une tombe en Égypte et il y a des millions de personnes, je ne dis pas des milliers, hein, des millions de personnes chaque année qui vont faire des pèlerinages dans ces endroits-là et dans ces tombes-là. Donc, ils y vont par millions. Et ils y vont comme les gens qui vont à Mecca font le tawaf autour de la Kaaba, eux ils vont là-bas, ils font le tawaf autour de la tombe. Hein, et ils adorent ces choses-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font des du'as pour ces créatures-là, ils leur demandent le secours et l'aide, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est du shirk pur. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, hein, durant la semaine, Allahu musta'an, il me dit, mais non, ça c'est pas du shirk, ça c'est juste shirk asghar, c'est pas du shirk. Ouais, il m'a écrit un email, il m'a expliqué, il dit, toi tu comprends pas le shirk, je vais t'expliquer c'est quoi. Le shirk, c'est si tu prends les systèmes et les politiques et tout ça, ça c'est le shirk. Ouais, wallahi, je l'ai le texte, le gars il me l'a écrit en arabe. Et quand j'ai lu ça, j'en croyais pas. Shirk al-Hakimiyya. Allah al-Musta'an, pour eux, al-Hakimiyya, c'est ça le shirk. Mais l'adoration de autre que Allah, ça c'est pas shirk. Hein? Et après, il m'a dit, parce que j'avais cité la parole de Cheikh Ahmed al-Najmi à ce sujet-là, qui parlait justement de qu'est-ce que font ces gens-là, puis qui donnait même des exemples du fondateur des Ikhwan, Hassan al-Banna, comment lui-même participait à la visite de ses pèlerinages vers les tombes. Et il mentionnait dans un de son frère mentionnait qu'il allait, dans un livre qu'il a écrit, Ahdath Sana'at al-Tarikh, il disait dans ce livre-là qu'il partait des fois le matin pour aller faire des pèlerinages jusqu'à la tombe de Ad-Dassouqi en Égypte. Et il allait comme ça méditer auprès des tombes. Et il mentionnait aussi un poème qu'il disait, dans lequel il disait, voilà Al-Habib, hein, qui vient et il va nous pardonner tout ce qui a été fait dans le passé. Et tout ce qui a été fait dans le passé, en voulant dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient et il nous pardonne nos péchés. Et ça c'est shirk. Puisqu'il n'y a personne qui pardonne les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai mentionné ça, il m'a dit, si ce n'était pas de Hassan al-Banna, personne n'aurait connu l'islam aujourd'hui, et toi tu n'aurais jamais connu l'islam non plus. C'est subhanallah. Ça veut dire, c'est un prophète. Hassan al-Banna pour lui c'est comme un prophète. Donc ça c'est l'exemple de l'ignorance de ces gens-là, comment ils ont mal compris la religion de l'islam. Donc, comme l'exemple que je disais, que ces gens-là, ils ont inversé les priorités. Après le cheikh, il dit, et d'une autre façon, on dit que ceux qui appellent aujourd'hui au djihad, et peut-être que certains d'entre eux, dans certains pays, ils allaient à l'époque faire le djihad, comme Cheikh Al-Albani, il le mentionne à son époque, comme en Afghanistan à l'époque, ou autre. Il dit donc, il dit, c'est possible que ces gens-là, ils n'ont même pas fait le djihad contre leur propre personne, contre eux-mêmes, pour corriger leur aqida et pour purifier leur comportement. Donc, moi je dis, à quoi sert à un musulman de partir faire le djihad dans le sentier d'Allah alors qu'il n'a même pas une bonne aqida? Si sa croyance, elle est corrompue, à quoi ça va lui servir de faire ça? C'est comme si quelqu'un, par exemple, il fait du shirk, il prie à des morts, il adore des tombes, ou bien il croit en des saints qui contrôlent l'univers, ou bien qui peuvent guérir les maladies ou des choses comme ça, et il invoque ces créatures-là. Est-ce que ça lui sert de faire la salat, ou de faire le hajj, ou de faire le jeûne, ou de faire des sadaqat? Tout ça, ça lui sert à rien, parce qu'au jour de la résurrection, toutes ses œuvres vont être vaines, seront comme de la poussière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans plusieurs versets dans le Coran, que celui qui fait le shirk avec Allah, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Et dans d'autres versets, il dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On va vers qu'est-ce qu'ils ont fait comme œuvre et on le fait devenir comme de la poussière éparpillée. Donc ça c'est des exemples. C'est des exemples de qu'est-ce que le cheikh explique. Et il y en avait justement dans ces gens-là qui prétendaient faire le djihad, qui en même temps sont des adorateurs de tombes et qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne font pas le djihad pour établir le tawhid. Ils font le djihad fi sabili al-taghut. Parce qu'ils veulent établir le shirk. Encore plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué dans le Coran entre ceux qui font le djihad fi sabili Allah et ceux qui font le djihad fi sabili al-taghut. Et le taghut, c'est quoi? Le ta'ghout, c'est les idoles et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme aujourd'hui certains qui ont compris que les ta'ghout, le ta'ghout, c'est les dirigeants. Hein? Ils ont oublié le vrai ta'ghout, c'est quoi? Hein? C'est le ta'ghout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme les ulama, comme Ibn al-Qayyim l'a expliqué, le ta'ghout, c'est tout ce qui a dépassé sa limite. Hein? Tout ce qui a dépassé sa limite, que ce soit quelque chose qui est obéi ou adoré ou suivi. Hein, parmi les créatures. Et donc, bien entendu, c'est sûr que le fait de, comme certains ulama ont expliqué certaines catégories, je ne veux pas rentrer dans les détails de cette question-là, mais c'est juste pour expliquer que ils ont inversé encore une fois ces gens-là l'importance et les priorités dans la religion, et ils n'ont pas commencé par corriger leurs croyances. Donc, le cheikh il dit fama ba'alukum birajulin misli. Donc, il dit qu'est-ce que vous allez penser d'un homme comme moi, qui invite les hommes à l'adoration d'Allah seul, sans aucun partenaire avec lui et sans rien lui associer, et qui invite également à purifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de ne pas dévier de ce qui est dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que j'ai réuni avec ça en plus le fait d'être endurant et de faire des efforts pour purifier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de tout ce qui a été introduit dedans, hein, parmi les faussetés et les déformations. Est-ce que quelqu'un va dire à mon sujet par la suite que moi je ne me préoccupe pas des questions des musulmans ou des sujets, des affaires qui concernent les musulmans ou bien du djihad fi sabilillah? Il dit, je ne crois pas qu'on puisse réellement faire aujourd'hui un djihad vrai, excepté si on s'est réellement préparé pour le faire. Et cette préparation-là, ça implique non seulement une préparation matérielle, c'est-à-dire militaire ou autre, mais ça demande avant tout et préalablement une préparation spirituelle et une correction de notre aqidah et de notre façon de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, notre religion, elle est claire, elle est établie, elle est déjà complète. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, « Al-yawmu akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, elle est complète. Et aujourd'hui, on n'a pas à se demander, mais pourquoi, hein? Pourquoi on n'applique pas l'islam? Parce que le problème, c'est pas que l'islam il est pas là. L'islam il existe. Il est dans le Coran, il est dans la sunna, il est appliqué par les gens qui sont sur la sunna. Mais le problème, c'est que encore beaucoup de musulmans se sont écartés de cette voie-là. Et c'est pour ça que si les gens qui se disent musulmans sont les premiers à contredire l'islam, qui va supporter l'islam si c'est pas les musulmans? Hein? Donc le cheikh il dit dans le maintenant on passe à un autre chapitre, c'est Al-Fasl al-Khamis, le chapitre ou la partie numéro 5, et le titre de ce chapitre c'est Ma'rifatul Bid'a wa Atharuha As-Sayyi fil Muslimin, c'est-à-dire de connaître qu'est-ce que c'est la bid'a et quels sont ses mauvais effets chez les musulmans. Donc ça c'est très important de savoir c'est quoi la bid'a, parce que beaucoup de musulmans encore aujourd'hui, ils sont mélangés au sujet de la bid'a. Parfois, ils ont inversé, comme je disais tout à l'heure, la religion. Qu'est-ce qui est sunna, ils le voient comme étant bid'a. Et qu'est-ce qui est bid'a, ils le voient comme étant sunna. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Et comme je dis, à chaque fois, je donne toujours cet exemple-là. Une fois, j'ai dit à un musulman qui me demandait, est-ce que tu as fait la fête? Il me disait, bonne fête. Il me dit, quelle fête? Il me dit, parce que c'était, il dit, c'est le maulid, la fête, la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il me souhaitait bonne fête. Je lui ai dit, ça, c'est une bid'a. Et quand j'ai dit que c'est une bid'a, la personne n'a pas compris. Il me dit, ah, c'est quoi ça, bid'a? Wa alaykum salam, rahmatullah. La personne n'a pas compris. Et quand j'ai dit, c'est haram, là, tout de suite, elle a compris. Haram? Comment ça, haram? On fait ça partout dans les pays musulmans. Hein? Donc j'ai dit, parce que les gens comprennent pas le mot bid'a, qu'est-ce que ça signifie. Donc quand tu leur dis bid'a, pour eux ça, c'est comme si tu leur dis yani fromage ou gâteau, yani ça veut rien dire pour eux. Yani bid'a, c'est quoi ça bid'a? Bid'a, hein, comme on va l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les gens vont comprendre inchallah. Donc le cheikh dit fa hadha al fasl fi ghayat al ahammiyah wa li kawnihi يبين السبب الحقيقي الذي فرق الأمة إلا ألا وهو البدع. Donc le cheikh il dit, donc dans cette section elle est très importante parce que il explique la raison réelle qui a amené les divisions parmi les musulmans. Et c'est quoi cette cause des divisions? C'est les innovations, les bid'a. Les innovations. Donc, il va parler de ce sujet-là et de plusieurs points qui sont reliés à cette question. Premièrement, bon, je vais les énumérer toutes, puis après je vais les traduire rapidement. Ta'rif al-bid'a wa anwa'uha. La définition de la bid'a et les différentes catégories. Deuxièmement, hukm al-bid'a. Deuxièmement, quel est le verdict de la bid'a? Troisièmement, aqsam al-bid'a. Les catégories de bid'a. Quatrièmement, asbab al-bid'a, les causes des bid'a. Cinquièmement, dawabit ma'rifat al-bid'a. Cinquièmement, c'est-à-dire les règles qui nous aident à connaître ou à reconnaître les innovations. Sixièmement, khuturat al-bid'a, le danger de l'innovation. Septièmement, mawqif al-salaf min al-mubtadi'in, la position des salafs vis-à-vis des innovateurs, des gens qui ramènent ou qui font des innovations. Samaria 8, dawabitu hajr al-mubtadi', c'est-à-dire les règles et les principes qui sont reliés au fait de s'écarter ou de boycotter les innovateurs ou la personne qui fait des innovations et qui appelle à l'innovation. Tasi'an, yani 10e, hukm taqsim al-bid'a' ila khamsati aqsam. Qu'est-ce qu'on dit du fait de diviser les bid'a en 5 catégories, comme le font certains qui veulent essayer de dire que il y a des catégories de bid'a qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Et ils divisent les bid'a en 5. On va expliquer le verdict à ce sujet-là. Et dixièmement, hukm taqsim al-bid'a ila hasana wa sayya. Yani bid'a hasana wa bid'a sayya. Le verdict de diviser la bid'a en bonne et mauvaise. Donc l'autre avant c'était en 5 catégories, on va expliquer ce que ça veut dire, puis après de le diviser en 2 catégories, c'est-à-dire une bid'a qui est bonne et une bid'a qui est mauvaise, et justement étant donné que ce qu'ils appellent la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est supposé d'être bientôt, hein, donc ça va tomber à pile et aller dans le temps, pour justement clarifier ce sujet-là, parce que c'est très important justement qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça signifie la bid'a et le danger de la bid'a. Et franchement, un musulman qui comprend pas qu'est-ce que c'est la bid'a et qu'est-ce que c'est le danger de la bid'a, il n'a pas compris l'islam. Il n'a pas compris l'islam. Et c'est la raison pourquoi maintenant beaucoup de musulmans, ils se disent musulmans, ils disent oui je suis sunni, mais ils comprennent pas du tout qu'est-ce que ça signifie d'être un sunni. Hein? Tu dis sunni, pour lui dans sa tête ça veut dire je suis pas chiite. Mais il ignore qu'en réalité quelqu'un peut se dire sunnite, puis faire partie d'une dizaine, d'une, hein, ou plus même parmi les différentes sectes de ceux qui se prétendent sunnites, qui se disent sunni. Hein? Par exemple, ça c'est une erreur de la part qui se passe de la part de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ceux qui pensent que ils sont sunnites, mais quand tu leur demandes c'est quoi ta aqida, ils disent moi je suis ash'ari, et quand tu leur demandes c'est quoi ta voix, ils disent je suis la tariqa de tel ou tel cheikh soufi. Donc dans le fiqh ils disent bon je suis de tel madhab, je suis par exemple maliki. Donc il a plein de voix différentes et il prétend être sur la sunna et être sunni. Donc on va expliquer toutes ces questions-là en détail, ça c'est juste pour vous donner des idées de qu'est-ce qui se passe. Maintenant on va commencer par le commencement, la définition des termes, puisqu'on ne peut pas comprendre un sujet sans avoir compris la définition des mots et des termes qu'on emploie. Et ça, c'est bon si, de prendre des notes à ce sujet-là pour bien comprendre. Le cheikh, il cite premièrement les définitions linguistiques du mot bid'ah dans les dictionnaires arabes de la langue arabe classique, c'est-à-dire les dictionnaires anciens, hein, pas les dictionnaires modernes, les dictionnaires qui traitent des définitions de la langue arabe classique. Donc, il dit « Awwalan, ta'rifu al-bid'ah wa aqsamuha ». La définition de la bid'a et les différentes catégories. Al-bid'atu lughatan ba dal ayn abda' ash-shay ikhtara'ahu la 'ala mithal wallahu badi'u as-samawati wal-ard ay mubdi'uhuma wal-badi'u al-mubtadi'u wal-mutabaddi' ay wal-badi' aydan az-ziq aw az-zaq wa fi al-hadith إن تهامة كجديع الحسل حلو أوله وحلو آخره شبهها بزق العسل لأنه لا يتغير بخلاف اللبن وأبدع الشاعر جاء بالبديع أبدع الشاعر جاء بالبديع وشيء بدع بكسر بالكسر أي مبتدع فلان بدع في هذا الأمر أي بديع ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل والبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال واستبدعه عده بديعا وبدعه تبديعا نسبه إلى البدعة. Donc ça c'est les définitions mentionnées dans Mukhtar al-Sihah. Mukhtar al-Sihah, c'est un dictionnaire de langue arabe classique qui donne des définitions des mots. Et donc, le mot bid'a, ça vient de la racine ba, dal, ayn. Trois lettres de la langue arabe. La plupart des mots en arabe, ils viennent à la base d'une racine de trois lettres. Hein? Et donc, l'origine du mot bid'a, sa racine, c'est les trois lettres suivantes. Le ba, le dal et le ayn. Donc, tous les mots qui suivent cette forme, qui ont cette racine-là comme origine, eh bien, ils retourneront donc à des sens qui tournent autour des sens qu'on va mentionner maintenant. Donc, il donne différents exemples. Abda'a, ça veut dire, il dit que ça veut dire quand tu as inventé quelque chose qui n'a pas d'exemple précédent qui l'a précédé. Il n'y a pas d'exemple qui l'a précédé. Quelque chose qui est nouveau. Hein? Donc, toute chose qui est innovée, qui est nouvelle, qui n'a pas de précédent dans la langue arabe, on peut dire qu'on l'a abda, c'est-à-dire qu'on l'a innové. Hein? Et il donne l'exemple de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allahu badi', Allah il dit à propos de lui-même dans le Coran qu'il est badi'u samawati wal ard. C'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre sans rien de ressemblant. Il n'y a rien de précédent, il n'y a rien de semblable à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux et la terre. C'est lui qui les a créés et qui les a innovés. Al-Badi', Al-Badi', Al-Mubtadi', Wal-Mutabaddi'. Donc, il donne différentes formes de ce mot-là, puis chacune de ces différentes formes, ils ont toutes ces significations-là semblables. Et il donne l'exemple aussi de Abda al-Sha'ir bil-Badi'. On dit à propos d'un poète, lorsqu'il ramène quelque chose qui est également des paroles nouvelles ou des formes nouvelles dans sa poésie, qu'il est un poète qui est innovateur, hein, dans la forme de sa poésie ou dans la façon de créer des vers ou des choses comme ça. Ou bien quand on dit de quelqu'un qu'il est bid'un avec le kasr, c'est-à-dire quelqu'un qui on dit, c'est-à-dire un innovateur ou quelqu'un qui ramène quelque chose de nouveau, on dit fulanun bid'un fi hadha al-amr. Cette personne-là, il est bid'un. Ça veut dire quelqu'un qui ramène quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été fait auparavant. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Ahqaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Dis, je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. C'est-à-dire, je ramène rien de nouveau. Qu'est-ce que je ramène? Les messagers avant moi, ils l'ont ramené aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Le message du tawhid, hein, le message de l'adoration, de l'ikhlas. Tous les messagers d'Allah ont enseigné ça auparavant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, le mot qui est employé dans ce verset-là, c'est bid'an. Hein, ou bid'un, parce que là il est mansoub, mais sinon c'est bid'un. Hein. Donc, quand on dit de quelqu'un qu'il est bid'un, ça veut dire qu'il est nouveau, ou qu'il est quelque chose qui n'a pas été précédé par quelque chose. Il ramène quelque chose qui est nouveau. Et Allah, il dit qu'il n'est pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un bid'un. C'est-à-dire qu'il n'est pas quelque chose qui est nouveau, qui n'avait pas d'exemple préalablement à celui-là. Et al-bid'a, quand on l'utilise dans cette forme, al-bid'a, c'est qu'est-ce qui a été inventé dans la religion après que la religion, elle, a été complétée. Ça, c'est la définition du mot bid'a, hein, dans la religion. Istabda'ahu, addahu, badi'an. Et donc, on sait qu'en arabe, on se situe toujours avec la forme, tu changes aussi le sens, et puis il y a différentes significations par la suite. Donc, comme tu dis, badda'ahu, ou bien tabdi'a. Tabdi'a, c'est quoi? C'est le fait de déclarer que quelque chose est une innovation. Donc, comme takfir, c'est le fait de déclarer que quelqu'un est kafir. Tabdi'a, c'est le fait de déclarer que quelqu'un est mubtadi'a, ou que quelque chose est une bid'a. D'accord? Donc, quand tu mets un mot sous la forme taf'il en arabe, bon, ça si vous voulez comprendre ces formes en arabe là, qu'est-ce qu'elles signifient selon la forme, tous les verbes selon leur forme et les mots selon leur forme, vous retournez à la science qu'on appelle as-sarf en arabe et vous allez comprendre la signification des mots selon leur forme, hein, selon leur construction. Chaque construction a sa signification et son sens. Et donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle as-sarf. Et donc, si vous voulez retourner à ça, c'est une science qui est reliée aux sciences de la langue arabe, qui nous aide à comprendre et à connaître la langue arabe. Donc, il donne ces définitions-là. Maintenant, le cheikh, il cite les paroles d'un autre savant dans Lisan al-Arab. Lisan al-Arab, c'est un autre dictionnaire de langue arabe, c'est comme une encyclopédie, en fait. Et il rentre, je pense que c'est Ibn Manzur, si je me rappelle, c'est lui qui a écrit ce livre-là, donc il rentre dans les détails, dans les significations des mots de la langue arabe. Et c'est un livre de langue arabe classique. Donc il dit, bada'u shay, yabda'u bad'an, wabtada'ahu ansha'ahu wabada'ahu. وبدع الركية استنبطها وأحدثها وركي بديع حديثه الحفر والبديع والبدع الشيء الذي يكون أولا وفي التنزيل قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول ما أرسل ما كنت أول من أرسل وقد أرسل قبلي رسل كثير والبدعة الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. Donc il donne les différentes significations de la même façon que le premier dans Mukhtar al-Sihah, des différents mots qui sont tirés de ces trois lettres de la racine ba, dal, ayn, et leurs différentes significations selon la forme. Et parmi les exemples qu'il mentionne, la même chose que dans Mukhtar al-Sihah, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ, et yani le fait qu'il n'est pas nouveau, quelque chose de nouveau parmi les messagers. Il y a d'autres messagers préalables qui ont appelé au tawhid et qui ont enseigné l'islam avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il explique que le mot bid'a, ça veut dire qu'est-ce qui est inventé dans la religion après que la religion ait été complétée. Ça, c'est les définitions dans les dictionnaires de langue arabe de ces mots-là. Ensuite, la définition dans la religion, le cheikh il dit al-bid'atu istilahan, al-bid'atu hiya at-tariqa fi ad-din, mukhtara'a, tudahi ash-shari'a ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. واختار هذا التعريف الإمام الشاطبي في الاعتصام. Donc la définition du mot bid'a selon les terminologies de la religion, les définitions des ulama de l'islam, on a que le mot bid'a, c'est une voie qui est inventée pour imiter la charia d'Allah. C'est une voie, ou quelque chose qui est inventé dans la religion pour imiter la religion, et que quelqu'un fait dans l'intention d'aller à l'extrême dans le rapprochement et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la définition de la bid'a dans les termes des savants de l'islam. Et cette définition-là, c'est la définition que l'imam Shatibi a choisie dans son livre qui s'appelle Al-I'tisam. C'est une voie dans la religion qui est inventée, c'est-à-dire elle n'a pas de référence, c'est-à-dire elle n'est pas basée sur le Coran et la Sunna, c'est quelque chose qui est inventé pour imiter la charia. Et c'est une action qu'on fait dans la même intention que celle qu'on fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une invention, quelque chose qui est inventé dans la religion, tu le fais avec l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la définition de la bid'ah. Et si vous retournez au livre de l'imam Ash-Shatibi al-Ihtisam, si vous connaissez l'arabe, vous pouvez voir comment l'imam Ash-Shatibi a défini chacun des termes qui sont mentionnés dans cette définition-là et comment il clarifie ce que ça signifie avec des exemples pour faire comprendre qu'est-ce que c'est la bid'ah. Ensuite, le Cheikh dit ثانيًا أقسام البدع, les différentes catégories d'innovation. أولا البدع الحقيقية وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم ولا في الجملة ولا في التفصيل وذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام. Donc on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de bid'a. OK. La bid'a première, c'est la première catégorie, c'est al-haqiqiyya. Al-bid'atu al-haqiqiyya. C'est-à-dire la bid'a réelle. Hein? Et qu'est-ce que c'est la bid'a réelle? Hein? C'est la bid'a au sujet de laquelle l'invention, quelque chose qu'on a inventé dans la religion, ou une innovation, au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve dans la charia. Aucune preuve, c'est-à-dire dans la charia, quand on dit de la charia, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran pour dire qu'il faut faire cette chose-là, pour prouver que ça fait partie de l'islam. Il n'y a aucune preuve dans le Coran et il n'y a aucune preuve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune preuve dans la sunna non plus. Hein? Donc il n'y a pas de dalil dans le Coran, il n'y a pas de preuve dans la sunna non plus, et il n'y a pas de preuve non plus dans l'ijma, c'est-à-dire dans le consensus des sahaba, des musulmans, il n'y a pas de preuve dans ça non plus. Et il n'y a aucune preuve donc qui est considérée comme valable parmi les preuves que les hommes de science acceptent comme étant une preuve dans la charia. Il n'y en a aucune, ni dans les détails et ni de façon générale non plus. Ça c'est une bid'a haqiqiyya, une bid'a dans le sens réel de qu'est-ce qu'on veut dire par bid'a. Et ça c'est mentionné par l'imam Ash-Shatibi encore une fois dans son livre Al-I'tisam. Et le livre qu'on appelle Al-I'tisam, c'est considéré parmi les hommes de science une référence pour les questions qui ont rapport avec la bid'a. Tous les savants qui parlent de bid'a se réfèrent à ce livre-là, et bien entendu il y en a d'autres aussi, mais ça c'est un des livres qui rassemble on peut dire tout ce qui a été dit sur ce sujet-là. Ensuite, il donne des exemples. مثال البدع الحقيقية المنتشرة في بلادنا إطلاق النار في اتباع الجنائز إقامة المآتم إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصالحين. Donc il dit des exemples de bid'a haqiqiyya qui sont répandus dans nos pays. Il dit de tirer des coups de feu lorsque on suit une funéraille. Ça, c'est des exemples. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il donne l'exemple aussi de faire des fêtes lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la naissance de certains hommes pieux. Ça aussi, c'est des exemples de bid'ah haqiqiyya. Donc ça, c'est la première catégorie de bid'ah. Ensuite, il y a une autre catégorie de bid'ah. Donc ça fait partie des différentes catégories. Ça fait partie de la première catégorie des exemples comme le Maulid et d'autres. Il y en a plein d'autres aussi, mais ça c'est une des catégories. C'est la première catégorie. Il y en a d'autres exemples de ça, mais ça c'est les exemples les plus courants. Et il y a aussi la bid'a qu'on appelle al-idafiyya. Al-bid'atu al-idafiyya. Et si on veut, c'est-à-dire la bid'a qui est ajoutée. Bid'a qui est ajoutée. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Wa hiya allati laha sha'ibatan. Ihdahuma laha min al-adillati muta'allaq. La takunu min tilka al-jiha bid'a wal-ukhra laysa laha muta'alliq illa mithlu ma lil-bid'ati al-haqiqiyya. Wal-farqu baynahuma fi al-ma'na anna ad-dalil min jihati al-asl qa'im ومن جهة الكيفية أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبدات لا في العاديات المحضة وعليه فإن البدعة الحقيقية أعظم زورا لأنها مخالفة للسنة وخروج ظاهر كالقول بالقدر والتحسين والتقبيح وإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك. Donc, al-bid'atu al-idafiyya, pour vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est lorsque quelqu'un, na'am, on va juste terminer cette définition, après on va s'arrêter. Al-bid'atu al-idafiyya, c'est lorsque quelqu'un, il fait quelque chose qui à la base, il a une origine dans la charia. Il a une origine dans l'islam. Sauf que la façon de le faire et le temps de le faire ou l'endroit pour le faire, on a rajouté des choses dedans qui fait que ça sort des limites de la sunna. Donc c'est-à-dire, par exemple, faire le dhikr, ça fait partie de la sunna. Mais si tu rajoutes dans la façon de faire le dhikr des descriptions ou des façons qui sortent de qu'est-ce qui a été fait dans la sunna par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, là ça sort de la définition réelle de qu'est-ce qui est dans la sunna, donc ça devient une bid'a idafiyya dans ce sens-là, d'accord, comme qu'est-ce que font les soufis par exemple lorsqu'ils font leur zikr. Ils disent que le zikr c'est dans l'islam, c'est vrai que c'est dans l'islam et que c'est une des grandes adorations de faire le zikr, sauf que quand tu commences à faire le zikr avec le tambour, puis que tu commences à faire le dhikr avec la danse, puis à tourner en rond, ou à sauter sur place, ou à commencer à faire des danses, et à se bouger à gauche et à droite, ou à dire qu'il faut faire le dhikr, par exemple, à tel moment, faut que tu dises mille fois telle chose, et il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve à ce sujet-là, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle bid'ah idafiyya. Parce que, à la base, le dhikr, ça fait partie de la sunna, mais tu rajoutes à ça des choses qui sont extérieures à la sunna et qui sont pas supportées par aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna, ni dans l'exemple des sahaba. Donc ça c'est une bid'a idafiyya. Donc on va s'arrêter ici inshallah, puis la semaine prochaine bi'idhnillah on va continuer pour clarifier encore plus ce sujet avec plus de détails et plus d'explications inshallah. Donc subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.